Je vois sans impatience venir t'emmener le large manteau blanc courant sous l'horizon. Et la femme engourdie que les grands bois protègent des tourbillons lancés des rugueux qui vont. Sous le tapis des jeux, la nature en sommeil se ressourçant ainsi tout le long des primats. Pour ne jeter plus tard des bouquets de merveilles, quand le printemps d'avril la couleur nous reviendra. C'est le prix à payer pour retrouver la fête, affronter selon moi des grisailles de froid, où c'est pendant la neige silencieuse et discrète, symbolise l'hiver sous son meilleur loin. Si les neiges d'antan nous reviennent en mémoire, c'est pour les comparer à celles d'aujourd'hui, les mêmes assurément, il me plaît de croire que c'est de nostalgie qu'il est d'espérance. Salut, il y a le vent, quand j'ai dans le silence, et la colique est en plaisir à l'éché. Nos cartes de Noël ou blanches, je pense, sont les plus poétiques et sensibles revenues.